Bulle de rêve, l'émission 100% cinéma d'animation sur Radio Libertaire, bien évidemment. Alors en effet, nous sommes deux. Antoine, bonjour. Bonjour Alexis. Et donc voilà, nous sommes tous les deux. Et donc c'était, vous pouvez pas le savoir, je vais vous en parler, c'était un peu une provoque de ma part, ce générique. Pour les trois qui ne sont pas là, qu'on salue, hein, Pascal Le Duff, Nicolas Tisse et Marie-Pauline Mollaret, on leur fait des coucous, on les embrasse et on va dire... Tout le bien, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas non plus quand même fan absolu, mais en tout cas, quand même, on a bien aimé Belle, de Mamoulo Soda, donc qui est passé au Grand Rex et au Carrefour de l'Animation. Nous, on l'a vu au Carrefour de l'Animation en ouverture, qui sort en décembre, fin décembre, le 28, je crois, décembre. Et c'est dû au soda, je vais après laisser Antoine, mais c'est dû au soda, c'est-à-dire que ce qui est bien avec le soda, hein, le garçon et la bête, pour voilà, les gens qui connaissent, le traversée du temps, Mireille, etc. C'est que, alors, on n'aime pas forcément tous et toutes les mêmes films, mais en tout cas, c'est très bien, puis ça devient n'importe quoi le film d'après, puis d'un seul coup, ça devient très bien, puis n'importe quoi. Là, ce qui est bien avec Belle, c'est que c'est tout dans le même film, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où on se dit oh, « il peut quand même pas faire ça », puis juste la scène d'après, on fait « ah ouais, non, il y a quand même du talent derrière », et tout ça dans un seul film. Moi, je considère quand même que si vous aimez pas la J-pop, donc la pop japonaise, je suis pas sûr que ça vaille le coup non plus de s'infliger ça. Si vous aimez bien, je pense qu'il y a des moments donnés comme ben là, le moment que vous avez entendu, qui est un moment vers la fin, ça vous dira rien sur la fin, un moment vers la fin, on se laisse facilement emporter. Moi, je sais que j'avais souvent de la chair de poule, un peu facile, vous savez, des chairs de poule dont qu'on aime bien avoir, qui est un peu les feel good movie. Et je crois qu'Antoine, toi aussi, on est sorti en disant que c'était... Oui, bah il y a clairement... Alors, c'est ce que tu disais, le film n'est pas complètement réussi, mais il y a des moments de grâce indéniables, que ça soit ces moments de chansons. Il y a des moments de mise en scène de la multitude qui est un motif quand même très très récurrent dans ces films et qui moi à chaque fois m'impressionne parce que ça mobilise des mouvements de caméra assez complexes, ça mobilise un vocabulaire de mise en scène qui est vraiment assez lourd et en même temps je trouve qu'il le fait avec talent et à dessein à chaque fois. Enfin, ça a un sens à chaque fois qu'il le fait. Et puis, parfois, il pose la caméra comme pour une scène en particulier, pour un long plan. Dans une gare, voilà, que vous n'oublierez pas. Et qui est une des scènes qui, moi, me marque dans le film, parce que peut presque fonctionner comme un petit court-métrage. Et rien que pour voir ça, pour moi, ça vaut le coup, évidemment, d'aller voir le film. Voilà comment on prend en otage une émission quand on n'est que tous les deux et que finalement, ça tombe bien parce que tous les deux, on a bien aimé, alors que les trois autres ont vraiment pas aimé du tout. Hein, c'est vraiment une catastrophe pour la plupart des trois autres. Donc voilà, c'était notre petite chose par rapport à Belle. Voilà, encore une fois, c'est pas un film grandiose, mais c'est un film, si vous êtes intéressé par le cinéma, et l'animation qui est quand même, voilà, comme tu disais, Antoine, il y a plein de petites choses. Alors, je voulais, et puis mes camarades m'ont dit, évidemment, avec plaisir, on va dédier cette émission à un monsieur qui nous a quitté cette semaine, très grand monsieur du monde de l'animation, qui s'appelle Gianalberto Bendazzi. Alors, pour une grande partie d'entre vous, peut-être que vous ne connaissez pas, et c'est normal, Gianalberto Bendazzi, c'était l'historien du monde de l'animation. C'est le premier qui, d'un seul coup, s'est dit, oui, ça vaut le coup de réfléchir sur les premiers qui ont été là, sur Émile Reynaud, sur Émile Cole. Alors, oui, André Martin l'avait fait, on a fait une émission sur André Martin avec Clément Martin notamment et Jean-Baptiste Garnero, donc oui, mais c'était un côté plus analytique et il n'avait pas, là c'était quelqu'un à une époque et, alors, là on va parler aux plus jeunes, mais voilà, à une époque où internet n'existait pas ou tout ça, où il fallait aller quasiment de festival en festival, récupérer les catalogues, noter tous les génériques. Il y a Bruno Edera, qui est un autre grand monsieur qui est mort aussi tristement cette année ou l'année dernière, enfin voilà, récemment, mais qui n'a jamais écrit. Bendazzi a écrit un livre notamment qui s'appelle Cartoons, qui est pour les gens qui ont la chance de l'avoir, une espèce de bible français. Je vais dire ça, mais avec beaucoup de, avec plein de petites erreurs, mais qui sont des erreurs normales quand d'un seul coup il n'y a rien absolument et que vous écrivez le premier livre sur l'histoire, et depuis il y a même, et je ne dirais pas non, mais des livres qui sont sortis qui font presque autant d'erreurs, et pourtant voilà, c'est fait après, donc voilà, et c'était un grand monsieur, et puis ça fait partie de ces gens, et je voudrais aussi au passage remercier, et je pense que je le referai d'une autre manière, mais tous les passeurs et les passeuses, alors Francis Gavel, Marie-Pauline Moret, des gens que vous connaissez, Lucie Mérigeau, Nicolas Tisse, Sébastien Roffat, plein de gens qui sont passés par ici, puis d'autres, là on parle des critiques, mais Isabelle Vanini, Philippe, enfin voilà. Jean-Baptiste Garnero. Jean-Baptiste Garnero, tous ces gens dont on ne retient pas forcément les noms, et qui sont là juste pour pas juste, mais pour d'un seul coup que vous entendiez parler, qu'on entende parler de réalisateurs, de réalisatrices, de films, de choses comme ça. Et je trouve que ces gens, je disais, on remercie beaucoup dans les génériques les institutions, parce qu'évidemment, il faut remercier les institutions. Mais souvent, les institutions, et c'est déjà bien, hein, donnent de l'argent. Mais ils soutiennent pas forcément les films complètement. Alors, si on avait des producteurs, productrices ici, on dirait, mais non, c'est pas vrai quand même, parce qu'ils se battent dans les réunions. Ouais, enfin, moi, là, je viens d'en faire quelques-unes de réunions sur les Césars, sur les institutions, sur les CNC ou quoi. Je trouve que ceux et celles qui se battent le plus sont souvent des gens qui ont souvent rien à gagner par rapport à ça et qu'on oublie assez facilement à un moment donné. On en parlait, voilà, le nombre de gens qui ont fait leur première. Alors, c'était fabuleux d'avoir Chloé Maslow qui se souvenait, voilà, de sa première interview ici. Mais souvent, c'est des gens qu'oublient à un moment donné qui vont passer ensuite sur France Inter. Et encore une fois, je ne me plains pas par rapport à notre émission, par rapport à Radio Libertaire. C'est juste que je trouve que ces gens, moi, sans Gianalberto Mendazzi, par exemple, je sais que je me serais vraiment pas intéressé au cinéma d'animation comme je me suis intéressé au cinéma d'animation. J'aurais tâtonné, j'aurais été clair d'un seul coup. C'est quelqu'un qui vous amène sur un plateau des choses extraordinaires, alors qu'en prise de vue continue, il y en a des tonnes. Donc voilà, donc c'est vraiment un hommage à Mendazzi d'abord, et puis à tous les gens qui sont heureusement encore parmi nous, mais qui d'un seul coup vont se battre. Et Antoine, tu le sais parce que tu participes au PIAF, mais à quel point c'est compliqué de faire des festivals. Et je sais que c'est compliqué, t'as la chance de pouvoir faire et des films et d'être des deux côtés, mais c'est compliqué aussi évidemment de faire des films, hein, et je ne remets pas ça en cause. Et moi, je suis, par exemple, on est très content, je pense, à Bulle de Rêve, d'inviter des gens et d'être derrière, etc. Mais c'est vrai, voilà, je voulais... si vous avez l'occasion, le problème, c'est que le Cartoons n'est plus édité. Donc, si vous le trouvez en opus ou des choses comme ça, n'hésitez pas à l'acheter. Mendazzi avait sorti ensuite un gros livre, mais trois tomes, où il avait fait participer pas mal de gens, et ce qui coûte malheureusement très cher, et qui est qu'en anglais, qui n'est jamais sorti en français, parce qu'évidemment, les éditrices françaises et français s'intéressent très peu à l'animation, et où alors ils ont leur nom. Voilà, ils ont les noms qui sont dans leur catalogue, avec qui ils travaillent, et c'est vraiment dommage. Donc, Gianalberto Mendazzi, et en plus... Et ce qui gâche rien, évidemment, un humain, dans ce que moi j'en connaissais, le très peu que j'en connaissais, un humain absolument extraordinaire, et partageur, parce que c'est ça aussi qui est bien avec les passeurs et les passeuses, c'est cette idée de partage et de vouloir faire découvrir ça. Je voulais que Nicolas Tisse, qui connaît peut-être un peu mieux Antoine ou Marie-Paul, enfin voilà, fasse un petit texte, on n'a pas eu le temps de... voilà, il a plein de travaux, enfin voilà, on n'a pas eu le temps de se mettre en place, mais j'espère que peut-être en janvier, on dira un petit mot en plus sur Gianalberto Mendazzi. On va écouter juste... Ça dure 1 minute 30, le deuxième morceau, Nicolas, et on revient juste après pour vous expliquer cette émission d'aujourd'hui. L'acteur free, what would it be? My spirit talks, I am everything. But we're running out of time, time. All the echoes in my mind. Peur que Nicolas un jour mette un antenne quand on chante dans le studio et que vous m'entendiez souvent parce que c'est moi chanter avec ma voix fausse, enfin voilà. Mais donc Running with the Wolves qui est tiré de Wolfwalkers, le peuple loup si je dis pas de bêtises, en français, qui est sorti en octobre. Je sais pas s'il est encore en salle, le film, et voilà, c'est du Tom Moore, enfin, il y a des choses intéressantes, mais il y a ce moment, on était d'accord avec Antoine, il y a ce moment absolument incroyable au milieu du film avec ce thème, et où elles se mettent à courir, une femme, une fille loup et une Murphy qui va peut-être, voilà, je vous dis pas tout, mais en tout cas, et il y a ce moment. Et Running with the Wolves, c'est intéressant. Alors, c'est moi une musique que j'aime beaucoup, qui voilà, que m'accompagne de temps à autre. Je me suis dit, c'est fou, hein, l'être humain se compare toujours et en fait veut toujours, je sais pas, je me disais, tiens, on dit méchant comme un requin ou comme un, j'avais noté des choses comme ça, comme un loup, ou alors il suit comme des moutons. Il faut absolument que notre méchanceté, notre bêtise, on la transpose avec des êtres humains, avec des animaux. Et c'est comme si d'un seul coup, il fallait, alors qu'en fait, on peut dire juste stupide comme un être humain. Mais non, il faut qu'on dise bête, voilà, comme... il est bête comme un mouton, il suit les choses, etc. Et qu'il y a ça. J'ai vu récemment un truc sur quelqu'un qui donne de l'argent, donc je vais rien dire. Enfin, moi, je m'en fous, parce qu'elle me donne pas de l'argent, mais c'est une chaîne télé qui disait qu'elle avait repris la musique du dessin du Petit Prince en disant « Dessine-moi un loup, j'en ai marre de tous ces moutons » par rapport à tous les gens qui seront vaccinés, parce qu'elle est anti-vaccin, etc. Bon, moi, je rentre pas du tout dans ce débat-là, mais je me disais, tiens, pourquoi forcément mouton, loup, il faut absolument que le loup soit méchant, alors que là, il est sublime dans le film, au contraire, on a envie de courir avec lui, etc., et mouton. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est que, en fait, on a eu la chance, on a eu le plaisir de faire deux entretiens pendant le carrefour de l'animation qui s'est tenu. Merci Diana Odile Lestage, qui est l'attachée de presse, j'arrive du mal à le dire, attachée de presse pourtant, et bien sûr Isabelle Vanini, Sylvie Porte et tout le forum des images pour le carrefour, et d'avoir réussi à faire tenir le carrefour parce que c'était dans des conditions difficiles, hein, où chaque jour on fermait le bar deux jours après parce qu'il y avait plein de cas de Covid et des choses comme ça, mais elles ont tenu, JL, parce que voilà, c'est la force vive là du carrefour de l'animation, et donc on les en remercie vraiment par rapport à ça. Moi, je vais vous présenter la première entretien, puis je laisserai, même s'il ne l'a pas fait, présenter un tout petit peu, il n'est pas au courant, mais la deuxième personne que vous aurez à la fin par Antoine. La première, pourquoi j'ai voulu mettre Running with the Wolves, que j'aime bien, et je vous parle de cette idée des animaux, c'est que la première est une réalisatrice. Vous avez sur la page le site de Bulle de Rêve, vous avez des liens pour aller voir un petit peu son travail. C'est quelqu'un qui va utiliser des animaux. Elle a fait des films incroyables, dont Minborda, le fardeau, Something to Remember, et sur Arte, son dernier en ce moment, donc qui s'appelle Nikki Lindros von Bar. Alors, si vous voulez taper, c'est Nikki, N-I-K-I, c'est pas évident son nom, L-I, plus loin L-I-N-D-R-O-T-H, plus loin V-O-N, plus loin B-A-H-R, donc Nikki Lindros, T-H, von Bar, B-A-H-R. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que à travers ses films, notamment, elle utilise des animaux. Mais c'est pas complètement l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas des animaux qui sont comme des êtres humains. Certes, ils ont des choses, notamment dans le fardeau, qui vont, c'est des choses qui sont plutôt proches de l'être humain. C'est des gens qui travaillent dans des boulots, donc dans des petits boulots un peu merdiques. Et donc on va avoir ça, mais une souris va rester quasiment une souris, même si là elle est sur deux pattes. On pourrait me dire une souris, c'est pas forcément sur deux pattes, mais elle va garder quand même dans ces animaux quelque chose de qui ressemble, en fait, qui est très proche de qui ils sont ou elles sont à la base. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant dans le cinéma Nikki Lindros von Bar. Alors, on vous en passe qu'un petit bout, parce que l'entretien est en anglais. Et comme ça a été fait il n'y a pas longtemps, on n'a pas eu le temps de faire une traduction. Donc, on ne va pas vous embêter avec trop d'anglais pendant trop longtemps. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je pense que voilà, l'entretien fait 14 minutes. Il fait normalement 32 minutes. Donc, on a un peu réduit plus de la moitié pour que vous l'entendiez. Désolé vraiment pour les gens. C'est pas, je sais bien, ce n'est pas pour les gens qui ne parlent pas anglais. C'est toujours embêtant par rapport à ça. Mais là, vraiment, on n'a pas eu le temps de faire autrement. Donc, 14 minutes. Et juste avant, vous avez un petit, une petite musique qui fait 4 minutes 14. Et en fait, c'est la fin de Minborda, où il y a une chanson absolument bouleversante. C'est un film, voilà, je pense que dans l'équipe, on aime beaucoup ce film-là. Et c'est un film à la fin où, en gros, on va voir plein d'animaux qui vont, encore une fois, être... vous travaillez dans un supermarché, travaillez dans des... Vous savez, dans des endroits où on nous appelle en disant à 9h du soir, en disant, vous voulez gagner un peu d'argent ou ce genre de choses, je vais vous vendre une assurance. Et vraiment, vous n'avez aucune envie, donc vous n'avez qu'envie de raccrocher. Donc tous ces gens-là qui sont en face et qui évidemment ont une vie aussi, à la fin, il y a cette chanson bouleversante, c'est en suédois, donc je vous dis un tout petit peu, on dit, le jour où mon fardeau sera levé, peut-être qu'enfin je n'aurai plus de problème, peut-être que je pourrai montrer l'échelle du bonheur. Et c'est à se demander si en effet notre fardeau, c'est pas juste pourvu qu'arrive la mort et qu'au moins, quand je serai mort, ben, tout ça sera un peu levé, que je pourrais... Et donc, c'est vraiment un film qui parle de peut-être quelque chose, et on en reparlera un petit peu, qui est important. C'est pas aux éditeurs auditrices que je vais dire ça, mais qui parle aussi de lutte des classes et qu'on a un peu oublié en ce moment. Et je pense qu'on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Quand je dis on l'a oublié, c'est dans un sens général, encore une fois, évidemment, pas ici et pas les gens qui nous écoutent, bien évidemment. Mais en tout cas, quand moi j'entends les luttes un peu en dehors, même s'il y a des choses importantes, je pense qu'on oublie un petit peu aussi ça. Et je pense que Mine Borda, par exemple, parle aussi de ça. On va écouter donc 18 minutes. 4 minutes et 14 minutes, voilà, on va écouter ça et puis on revient après pour une émission un peu plus musicale et on reviendra sur un entretien à la fin de l'émission. À tout de suite. Inga sorger, inga besvär, när min börda har lyfts från mina axlar. Inga sorger, inga besvär, när min börda har lyfts från mina axlar. När min börda har lyfts från mina axlar. Ingen sjukdom, ingen värk, när min börda har lyfts från mina axlar. Ingen sjukdom, ingen värld, när min börda har lyfts från mina axlar. När min börda har lyfts från mina axlar. Jag klättrar upp för lyckostigen, när min börda har lyfts från mina axlar. So, Nikki, thank you. for being with us for this interview. We'll do an interview. I was just wondering, actually, the first question is, do you like to go to a festival and talk about your work and everything like that, or...? That's a good question. I mean, I do like to visit festivals, and I do like to speak about my work. But it's also like a bit of embarrassment included as well to just like sit around and speak about, you know, yourself and your work. It's a little bit uncomfortable, but it's, you know, it's also fun. It's just fun to be. I'm just super happy to be back at like a real festival again. It's the first time in years, obviously. So that's great. So we are in Forum des Images for Carrefour de l'Animation, yes. in Paris. And so yesterday we had this meeting, and I'm asking you that question is because, you know, your film is so open to interpretation, and we can think a lot of because what we feel about the films, that I thought that sometimes, you know, to talk about them and to put interpretation maybe on them is not what you want. No, exactly. I mean, I love to talk about people's interpretations and feelings, and I love to talk about like sort of, you know, the idea and the aesthetics and everything. But speaking about the sort of detailed stories, and because I have got those questions sometimes, you know, like the ending, what does it mean? You know, these things. And it's just like, do you really want me to say? Because it's like, you're going to be, you know, it's I think there should always be some mystery involved. You know, obviously I have my own ideas about what's going on in my films, but I think it's just so interesting that people are experiencing the stories in very different ways and interpreting them in different ways, depending on where you're from and like your life and everything. Are you sometimes surprised by the interpretations by the audience? Did you had some, you know, some funny interpretations? Yeah, well, I mean, not funny maybe, but I think Tord and Tord, my first film, was quite, because I wrote that script based on a short story by Jorun Burman Berg, who's an artist, and she worked quite a lot. That was like a part of an artwork that I, you know, adapted to a script to this film. But her artwork was quite a lot about mental illness and like a sort of pre-state of schizophrenia, and it's a quite sort of dark subject. And then like a lot of people in Sweden were a bit more like, yeah, you know, they are friends. Then he left, you know, Tord left, you know, and it's a, while I'm maybe a bit more interested in the idea about like, is it two persons? Is it one person? Is it, like what's real and what's not? I don't really mind that you interpret it in different ways. It's just kind of interesting how you, maybe it's about like where you come from. Maybe everyone doesn't have that kind of darkness within them. Or maybe it's what you said, sorry, but what you said yesterday, it's also because it's animation. And if we had two actors, for example, talking to each other and do that, maybe they will be not the same interpretation for those people. Totally. And like I said yesterday about like the Swedish animation culture, which is very much connected to children's culture. Like we don't have really adult animation in the same way as in many other countries where, like, for example, France, where animation is much more a part of the, you know, it gets to be like in the real cultural atmosphere, like highbrow culture. And in Sweden it's much more like, oh, it's a rabbit and he has a pants and it's so much fun, you know. So it's much more lightweight, I'd say. And while in Annecy, people were just like dead silence all through the screening, and we're just like, oh, it's very Kafka. So it was very interesting for me to just experience the differences between different countries. Okay. yesterday we didn't have time to talk about something that's really important. I guess it's the realistic where you try to do the puppets. And for me, it's interesting because we use a lot the anthropomorphic, you know, thing. But I don't know why. For me, it's different. I mean, you're not working. I think for me, it's a real rabbit. Being a rabbit, but then he has something more human in it, or a wolf, something like that. And that's really, really strange. That's really something that belongs to your cinema, to have this, okay, that's not like, you know, a cartoon like that, the rabbit or the cows, you know, in Pixar, thing like that. It's like they will have eyes like humans. No. So I don't know how to explain it, but that's really something strong, I guess, in your cinema. I don't know if you think about that when you... I try to avoid the sort of cartoonish like way of portraying animals. I do think that working with animal characters in my films has a little. I mean, both. I think it's easier to identify yourself with the characters because they're not like they don't have that many like human attributes, or how you say it. I mean, like, obviously clothing and stuff, but I really want for the audience to feel like these characters could be like you or me or anyone, and just being exposed to a certain situation or atmosphere. So for me, the animal look is very much a part of neutralizing the characters, but also just adding some silliness into often quite dark subjects. So that it's not, I think, like having in Something to Remember, having like a snail taking its blood pressure in at the doctor's office and singing about eternal sadness and things like that. It's a little bit more, you know, it's more silly than if it would be like a human puppet, but it's also, I just think it adds to like the fun of it all, you know, the fun of just things being so, like, you know, sorry, fucked up, you know, in the world, and just the sadness of being alive, and you know, with all, but it's also a bit silly, you know, everything. You need to be able to have that filter. And the silliness is not to put arms on the snail or legs, because of course still that's what is interesting. It's real animals. I mean, yeah, and I think I worked a bit more towards like real animals in my most recent films, because at first I worked a lot with almost human arms and legs, but more like an animal head. But now I find it much more sort of interesting in trying to sort of squeeze in like an actual animal shape into like human, you know, like forcing human clothing on like a duck a dove or a snail or like beetles and stuff like that, and just making the appearance of the animal much less human, but it's still sort of forced into that human shape and that human situation. And I also think that also adds something to just the way, you know, we often feel, I guess, about life just being sort of playing a human, you know, with all these like attributes like clothing and all this sort of civilization being sort of forced upon us sometimes. Just add something. Do you try different things when you think about the animals you're going to make, or do you always know what kind of animal you need for each sequence? Well, I kind of usually decide the animal species before. Yeah, it's not that I'm thinking this one should work for this shot, because I think it's much more fun that it's a bit of a surprise to me as well. Like, okay, it's a snail at a doctor's office. Yeah, why not? You know, you just try to force, like, it's a little bit of the thing, I think, to try and sort of force these kind of situations together. But I do have like different themes on choosing animal species. I mean, for example, in Bathhouse, it's animal species that are like very sort of newly distincted. I mean, they don't exist anymore. And I also try to choose animal species that are not really they were not really known to people, and then they were just like, we just killed them off, you know. So it's a bit sad. I did some googling on sort of very sort of, what do you say, like obscure animal species that are not with us anymore. I just thought that like these sort of weird examples of the animal kingdom sort of being in this public bathhouse was just just sort of, I enjoyed that somehow. So just it comes with a story. So when you have that, for example, you say, okay, that's going to be a story about people, because in bathhouse, like, there is almost no future. I mean, for me, when I look at it, it's like, this is no future for anyone. I mean, it's not any character. So maybe, I don't know, it's like, okay, that's that kind of universe. So I will have some, It's a little bit of a hopelessness, I think, within those characters and within that venue. In the bird, and like I choose animal species that are very sort of common in medical experiments. So, and that's also something about, because I do have a quite, like the one of the subjects for that film is like sort of pointless work and like the sort of just pointlessness of many things in life, like the sort of existential anxiety at a sort of micro and macro perspective. But I just felt that like just the idea of working at that kind of at this sort of weird shopping center in the middle of the night, I just can't think of like this sort of animals being sort of trapped and just sort of forced into like humans as well. And also for something to remember, I choose, I worked with like animals that are considered as pests, you know, that are not really sort of allowed to exist in the human society. Like this kind of killer, in Sweden, they're called like murder snails or killer snails or something, because they sort of eat your garden and therefore they're not allowed to exist. You know, it's very sort of strange. And the sort of city doves and a mole and you know things like that, so but it's just something that I'm having a bit of fun with. It's not like you're not meant to, you don't need to get that, you know. It's just fun for me. When we look at Something to Remember, I must admit that the first time I look at Something to Remember was like, oh, she's doing a musical again. It's like, you know, after The Burden, because you always like try to challenge yourself doing another film, and then I rewatch it again, and then you know, I appreciate it more the second time and the third time, and then watching it. Finally, it's something new for you, not Something to Remember. It's something different. I mean, like you said, the fact that you didn't have a lot of time and you didn't think too much about it, and it's like, well. Yeah, exactly. I felt that I had like another sort of music-driven film within me, so I felt that was that needed to get out somehow. It was just like also. A very like personal film to me that was maybe like more intuitive and less, you know, I didn't spend like a lot of time writing it. It was more just, I just had this, because I was just on maternity leave with my daughter for like 6 months before this, and then I just was sort of thrown into a production of this new film, and I just felt that, you know, like what I just wrote down what's been sort of going on in my head while being sort of alone with a baby for 6 months, and this very sad and horrible story came out. No, but I think it's like, I think it has something to do with like the sort of random thoughts you get when you're having a child, and also like how to sort of introduce this very strange world to a newborn. So I think that was the kind of theme for the film, like a sort of lullaby before a great disaster. Vous êtes toujours dans Bulle de Rêve sur Radio Libertaire. On vient donc d'entendre une interview de Nicklin Rose Van Baar, réalisée au Carrefour de l'Animation. Et on va poursuivre l'émission. On va faire une émission moitié interview, moitié musicale ce mois-ci. Et pour démarrer, je voulais vous proposer d'écouter un morceau du dernier album d'Albin de la Simone qui est entièrement instrumental. Alors, pour Albin de la Simone qu'on connaissait en grande partie pour ses textes, c'est un album qui est surprenant et qui est tout en douceur, qui, avec énormément de piano et puis de plein de petits instruments. Et voilà, c'est un des albums qui a marqué moi, ma fin d'année. Et je voulais vous passer le morceau aussi en vous signalant qu'il y a un concert le 13 janvier à l'église Saint-Eustache. Donc c'est toujours c'est dans le cadre de Spiritus Sancti, qui programme différents artistes à l'église Saint-Eustache. Et c'est vraiment, vraiment un lieu incroyable pour voir des concerts. Il reste des places. Voilà, si vous aimez Albin de la Simone, je vous le conseille. Donc le 13 janvier à 20h. Et on écoute Soleil. Voilà, donc c'était Soleil d'Alban La Simone avec donc ce piano accompagné de tout plein de petits samples, de bruits, de tout l'album est un peu construit comme ça, avec un piano accompagné par tout plein de petits samples. Et voilà, c'est un album qui est vraiment très réjouissant et solaire, justement, à l'image du morceau. Et là, juste pour dire, on a construit la musique un peu. Antoine m'a envoyé la musique. On a vu, donc là, on avance d'un cran dans le côté un peu plus énergique, on va dire. Bon, je vous préviens, c'est-à-dire qu'on avance un petit peu. Voilà, on passe une étape, puisque le prochain morceau, on a démarré avec un morceau instrumental, le deuxième morceau. Et là, fait la part belle au texte, puisque c'est un morceau d'une rappeuse non-binaire qui s'appelle Kay Tempest, que j'ai découvert il y a un ou deux ans et qui me bouleverse par ses textes. C'est un morceau très très politique, vous allez l'entendre, notamment l'introduction. Il y a une espèce de description... c'est très cinématographique, on voit la scène, enfin c'est un texte, oui, qui est fort et qui, moi, m'évoque pas mal le cinéma de Ken Loach. Alors, c'est aussi parce que c'est très anglais, voilà, mais c'est pour moi, c'est un morceau que j'écoute très, très souvent pour ça. Pardon, Antoine, c'est en anglais encore, désolé. Oui, c'est en anglais encore. Voilà, c'est pas... Mais Kay Tempest a sorti un livre qui, pour le coup, est traduit en français aux éditions de L'Olivier. Et qui s'appelle Connexion, et qui est un livre écrit pendant le confinement et suite au Covid. Alors, il y en a beaucoup qui ont été écrits, mais alors là, c'est un livre qui parle de la reconnexion à la création et comment est-ce que la création peut être un remède à comment se placer quand on est artiste, vis-à-vis notamment des luttes politiques. Et je voulais vous en lire un petit extrait, je ne sais pas si on a un peu de temps. Bien sûr. En fait, l'introduction, pour vous donner envie de le lire, parce que c'est un livre qui, dernièrement, m'a beaucoup aidé à me sortir de problématiques de création en rapport avec les luttes politiques qui nous entourent. Donc, ce livre traite de connexion, des liens que les gens tissent entre eux, de la façon dont nous aiguisons notre conscience de nous-mêmes en nous immergeant dans la créativité, dont nous développons une empathie et nous ancrons dans notre environnement en affinant notre radar créatif. Je me rends compte qu'invoquer le rapprochement et l'universalité n'est pas évident à une époque où la société est traversée par des lignes de fracture. Qu'on parle de Black Lives Matter ou de son pendant All Lives Matter, des droits des transsexuels ou des féministes TERF, des pros ou des anti-vaccins, impossible déjà d'échapper à l'injonction de choisir son camp. Et les enjeux sont considérables. Ceux qui appellent à l'unité prennent le risque de desservir la lutte de ceux qui se battent pour leurs droits et leurs libertés fondamentales. Si des gouffres se sont creusés entre les uns et les autres, il y a une raison à cela. Que nos différences ne comptent pas, ou que rien ne nous distingue de notre voisin, je n'y crois pas une seconde. Je ne suis pas aveugle au contexte politique, économique, historique et social de ces différences, ni aux retombées qu'elles ont sur nos vies. J'estime également qu'au-delà de notre expérience immédiate, vécue sans intermédiaire, et de celle que nous ont léguée nos ancêtres, en fonction de notre identité, de notre culture, il existe un facteur qui nous est commun et auquel, à mon humble avis, on peut tous accéder via l'élan créatif. La créativité encourage la connexion. Et cette connexion qui nous relie à notre moi authentique, qui nous force à sortir de notre zone de confort, qui nous aide à prendre conscience de l'impact que nous avons sur les autres, habitués que nous sommes à traverser l'existence à tâtons, dans le brouhaha convulsif de l'enfilade des jours, à piocher au petit bonheur dans chaque rencontre, sans être capable de voir au-delà de ma survie, la survie de mes gosses, ma survie, la survie de mes gosses. Voilà, c'est le tout début du livre Connexion de Kay Tempest que vous pouvez retrouver aux éditions de L'Olivier. Et voilà, comme l'intro vous le laisse suggérer, c'est comment est-ce qu'on s'en sort de pour créer au milieu de toute cette tempête politique qui nous entoure. Et donc, on écoute. On écoute, pardon, Europe is Lost de Kay Tempest. In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs, and there's 2-for-1 drinks in the clubs, and we scrubbed up well, washed off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs, and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it. This is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence, a structural viciousness. Your kids are dumb. Don't stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask. I knew it was madness. Roll ran red, pure clavit, and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves, and no, nobody noticed. Well, some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright, and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop. Nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of. Divorces to drink off the thought of. The money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil. Toil, the toil. I can't see an ending at all. Only the end. How is this something to change? cherished when the tribesmen are dead in their deserts. To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck. Alors évidemment, on continue à parler pendant, pendant la musique. On parlait de cette idée de connexion voilà, qui nous paraissait importante, de comment est-ce qu'on on connecte aux autres par les œuvres d'art. Et c'est tout ce qui est au centre de, du livre dont je vous parlais, donc de Cahiers Tempest, dont on vient d'écouter Europe is Lost. J'espère que ce qu'on fait aussi, mais ça vous savez pour une partie, c'est vraiment la création, elle est large, c'est quelque chose qui est important et on l'entendra un tout petit peu avec Alain Huguetto tout à l'heure. Son père était maçon, lui est devenu, il fait de l'animation avec de la pâte à modeler, mais tout ça c'est un passage avec les mains aussi, et voilà, c'est des gens qui travaillent les mains et qu'il faut pas opposer l'un ou l'autre et de faire évidemment de l'artisanat. C'est évidemment de la création, et la cuisine c'est la création, et la création elle est très large, et évidemment elle n'est pas laissée qu'aux artistes ou alors il faut que le mot artiste soit plus large évidemment et employé pour plus de monde. Alors il nous faut, pour vous connaissez pour certains et certains, normalement si Marie-Pauline Molleret serait là, on passerait forcément un morceau de The National, il n'y a pas forcément, donc ça va être la seule émission depuis longtemps, on n'aura pas The National, mais j'aime des musiques qui peuvent être un peu fortes, et je pense que par rapport à tout ce qui nous attend encore, bah c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'avoir des gens qui chantent fort, c'est bien de pouvoir bouger la tête de haut en bas. Alors, vous ne connaissez pas, j'ai pas de cheveux, donc moi ça marche pas, mais en tout cas, voilà, pour les gens avec des cheveux qui bougent tout le temps. On va écouter Envy. Envy, c'est un groupe japonais qui d'un album qui s'appelle Last Wish, où ils ont fait un live à Liquid Room, qui est un endroit à Tokyo comme ça, en février 2020, juste avant le confinement, de faire une tournée. La tournée s'est arrêtée et ils ont fait juste ce dernier live, où on sent, je pense, cette énergie du live, cette importance de se retrouver, on parlait de lien de connexion, ensemble, de se retrouver voilà, dans une même pièce et de vibrer, même la musique, il devrait peut-être être pour le Hellfest en juin, mais est-ce qu'il y aura Hellfest ? Juin nous paraît si loin quand évidemment on ne sait pas ce qui va se passer, ne serait-ce qu'en janvier, on sait bien qu'on nous a laissé les fêtes parce qu'il y a les élections l'année prochaine et qu'il faut bien évidemment, et sans faire de grands trucs, hein, vous inquiétez pas, c'est pas une question avant le Hellfest, hein, voilà, c'est pas une question de voilà, de choses, mais c'est une évidence, hein, totale que d'un seul coup, donc qu'est-ce qui va arriver en janvier, et est-ce qu'en juin on aura, et je parle même en février, les concerts commencent à s'annuler aussi un petit peu à droite à gauche, donc voilà, faut dire que si c'est un peu vide malheureusement des fois les salles, donc enfin tout ça c'est à réfléchir. Donc on va écouter un morceau d'Envy, 3 minutes 34, ça s'appelle Marginalized Thread, et c'est du live, donc voilà, c'est fort à des moments donnés, mais c'est peut-être un peu moins fort que quand c'est dans un studio, mais allez, 3 minutes 34 de musique forte. We're gonna make it. ce moment de silence est important, évidemment, juste après Envy. C'est Bulle de rêve, une émission donc avec deux entretiens, deux extraits d'entretiens, mais beaucoup de musique. On écoutait Envy avec cette débauche d'énergie. En l'écoutant comme ça, là, en ce moment, c'est peut-être pas assez fort. Je trouve un morceau vraiment plus lourd encore pour la prochaine fois. J'essaierai de vous trouver ça. Mais voilà, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir besoin d'énergie. Donc, ça fait du bien d'écouter des morceaux comme ça avec plein d'énergie. On va se recalmer un peu, mais on va peut-être être un peu... retrouver un côté un peu plus politique avec Antoine, je sais pas, avec le morceau qui suit. Pour moi, c'était assez marrant parce que pour moi, ça va dans la continuité de ce que tu étais en train de dire. on vous en a déjà passé, mais je résiste pas à l'envie de vous repasser un morceau du dernier album de Godspeed You Black Emperor. Pour la bonne et simple raison que c'est l'album de l'année pour moi, simplement. Et comme c'était notre dernière émission de cette année, bah, je voulais en profiter, voilà, pour passer un morceau du dernier album. C'est un morceau qui s'appelle Government Came, et qui est avec... Alors après, il y a des fréquences radio. Il y a des fréquences, voilà. 99-80.0 kHz. 36-17.1 kHz, 45-21.0 kHz. Je ne savais pas noter. Je ne sais merci. Pas quoi. Bah, écoute. C'est un morceau qui est à l'image de tout l'album pour moi, avec cette espèce de lente progression, alors qu'on retrouve à plusieurs moments, mais il y a, voilà, qui est évidemment une marque du groupe, mais qui là est pour moi une note un peu particulière, notamment parce qu'il y a une basse qui est très très présente et qui n'était pas forcément présente dans les albums précédents. Et cette basse, moi je l'ai interprétée, alors il y a pour plein de raisons, mais moi je l'ai interprétée comme quelque chose qui est là, qui vient nous chercher, qui vient nous pousser à nous lever, à nous mettre en mouvement, à se dire bon bah là c'est dur, mais on va y aller quoi, on va se lancer. Et évidemment, une des choses qui me fait dire ça, c'est le dernier titre de l'album qui est, voilà, pour moi, qui a un leitmotiv. J'écoute l'album quasiment tous les jours et c'est ce titre donc, qui est Outside Has to Win, traduis-le pour notre camp doit gagner. Cet album, je l'écoute quasiment tous les jours. Depuis qu'il est sorti, avec cette phrase en tête, de me dire, je sais pas encore comment, je sais, mais avec cette énergie, peut-être qu'on va y arriver, peut-être que on va faire en sorte que notre camp gagne, quel que soit ce camp. Et Godspeed devrait, on l'espère, être en tournée normalement et venir en France à un moment donné à Paris mois de février. À l'Élysée Montmartre, ouais. Le 25. 25 février ou janvier? Le 25 février. On vérifiera ça. En tout cas, ouais. Regardez Godspeed You Black Emperor. Enfin, non, maintenant c'est fini. C'est Godspeed You Black Emperor à chaque fois. Ouais. Au début, ils s'appelaient Godspeed You Black Emperor. C'est Godspeed You Black Emperor qui est tiré d'un documentaire japonais. On écoute le morceau. On vérifie pour la date. Merci, Nicolas. Came in, killed a couple, and the rest of them pissed themselves, went to the house, and nothing else happened. Voilà, donc c'était l'incroyable extrait d'album de Godspeed You Black Emperor. Government Came, je vous épargne cette fois les fréquences radio qui suivent le titre, mais on vous conseille tous les deux fortement ce dernier album. Comme on est tous les deux, on dit que c'est l'album de l'année, tant pis pour les autres. C'est vrai qu'il est là aussi à un moment donné, donc voilà, ouais, superbe, absolument magnifique album. Allez-y, sans problème. Alors, c'est à moi maintenant. On sait, vous avez compris, on s'est donné chacun. J'ai voulu passer un morceau sûrement d'un des plus grand musicien qui existait, l'un des plus grands créateurs, tout ce qu'on veut, enfin voilà un nom, qui s'appelle Frank Zappa. J'ai déjà passé des morceaux de Frank Zappa ici. Frank Zappa est mort, j'avais noté, était né un 21 décembre 1940, donc il aurait, cette année, il aurait dû avoir normalement 81 ans. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'aurait fait Zappa 81 ans dans quelques jours. Et il est mort le 4 décembre 93. Donc voilà, donc assez jeune. Hein, mais évidemment, c'est très important. Sa discographie un peu plus est très importante. J'ai choisi un morceau que j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. J'ai choisi un morceau qui s'appelle « The Torture Never Stops ». La torture ne s'arrête jamais. Et comme souvent chez Zappa, on a un morceau qui est à la fois ludique et à la fois délirant. Et vous allez voir, je vais sûrement le couper, ce qui est absolument horrible. Le morceau fait 15 minutes. Vient de l'album de You Can't Do That On Stage Anymore. Il a fait 6 albums comme ça. Tu ne pourras plus refaire jamais ça sur scène. Mais Zappa enregistrait tous ses concerts quasiment. Et donc, il a fait ça. Et pourquoi Torture Never Stop? C'est que l'année prochaine, c'est les élections. Et donc, on va avoir droit à la torture. Évidemment, de tous ces gens, là, j'ai commencé à regarder. J'ai adoré parce que je me suis dit, quand même, faut quand même le vouloir. J'ai vu que Mélenchon avait sorti son programme et il y a marqué le premier programme disponible en librairie électorale. J'ai trouvé que c'était. Je trouvais ça drôle de dire ça. C'est comme si c'était important pour 3 euros. Donc voilà, on peut faire. Il y a ce genre de choses qui va arriver. Et je voulais juste dire, et je suis désolé pour les auditeurs, auditrices de Radio Liberté, n'écoutez pas, c'est pas pour vous, encore une fois, vous savez. Je vais juste parler peut-être. Juste aux gens, pas mes amis, parce que mes amis n'en sont pas ça, mais mes connaissances de gauche de l'animation. Il y en a quelques-uns et quelques-unes. Enfin, de gauche, vous savez, c'est la gauche d'aujourd'hui, quoi, qui a accepté que le capitalisme gagne. En fait, il faut arrêter avec tout ça. J'ai fait des commissions, j'ai fait des choses là récemment. Et à un moment donné, il faut arrêter. La seule chose qui va faire les choses, encore une fois, désolé pour ces banalités sur l'antenne de Radio Libertin, mais c'est de changer complètement le système dans lequel on est. On ne peut pas juste révisionner, on ne peut pas juste changer des petites choses. Quand je lis que les gens nous disent si on ne change pas nos habitudes dans 9 ans, dans 9 années, 8 mois, 3 jours et 2 heures, c'est fini. Non, ce n'est pas les habitudes, c'est beaucoup plus que ça. On ne va pas changer les habitudes des gens aujourd'hui, on ne va pas changer, on ne va pas demander à des gens qui ont été pauvres pendant des années, qui ont enfin peut-être un peu de modernité, on ne va pas leur dire, ben ouais, c'est pas possible, quoi, nous on l'a maintenant. Il faut changer complètement tout le système. Alors encore une fois, c'est une banalité, on le sait que c'est important. Encore une fois, encore plus sur Radio Libertaire, c'est juste au cas où des gens qui m'agacent parce qu'ils ont des grands discours soi-disant, mais à côté de ça, ils vont, racler les fonds pour les subventions, pour des choses comme ça, ou d'un seul coup se vanter d'avoir tel ou tel prix, ou des choses comme ça. Et alors, c'est pas un discours très, très, très, très, très mis en place, hein, ce que je vous raconte là, mais juste ça m'a agacé récemment de gens qui, d'un seul coup, vont avoir des grands discours sur l'écologie, sur etc., sur toute la diversité, etc., mais qui d'un côté font n'importe quoi aussi dans le sens inverse, et qui finalement, vous savez, ce qu'on appelle le greenwashing ou tout ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est se dire, ah ben tiens, je suis écolo, mais finalement, on l'est pas, personne ne l'est réellement. Arrêtez, je veux dire, me faire rire, il y en a très peu qui sont réellement complètement écolo, et je pense que beaucoup d'entre nous, malheureusement, on est obligé de porter des fois des fringues H&M, et on sait très bien comment sont faits malheureusement les fringues H&M, et c'est très complexe de pouvoir s'acheter aussi des choses très chères, etc. C'est un discours qui est très complexe. Et je ne pense pas en 2 minutes 20 là, encore une fois, refaire le monde et vous dire ça. C'est juste, je crois, une espèce d'agacement de ces gens-là, et de d'un seul coup de pouvoir mettre maintenant sur un label sur des films en disant, bah, il y a ça, ou sur des créations, alors qu'en fait c'est plus compliqué. Soyez un peu modeste, l'artiste n'a pas changé, n'a jamais changé le monde, ça n'est jamais arrivé. Ça bouge les petites choses de temps à autre, mais ça n'a jamais changé le monde. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu d'à chaque fois de nous faire des grands discours. Faites-nous des films, essayez de nous faire. Alors, bon, d'un côté rêver, d'un autre côté réfléchir. Évidemment, faut les deux par rapport à ça, mais arrêtez avec vos pseudo-discours qui ne fonctionnent pas. The Torture Never Stop. Donc, Frank Zappa, on écoute. flies all green and buzzing in his dungeon of despair. Prisoners grumble and piss their clothes and scratch their matted hair. A tiny light from a window hole 100 yards away is all they ever get to know about the regular life in the day. And it stinks so bad, the storm's been choking and they've been greenish grouse. In the room where the giant fire above the works in the torture never stops. Guns and the likes of every tool of pain, and a sinister midget with a bucket and a mop. A sinister midget with a bucket and a mop. A sinister midget with a bucket and a mop, where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the storm's been choking and we've been greenish down. In the room where the giant fire above the works and the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. An evil prince eats a steaming pig in a chamber right near there. He eats the snouts and the trotters first. The loins and the groins as soon as theirs. His carven style is well rehearsed. He stands. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. And disagree. Hey, nobody would disagree with him. No wonder. He's the best, of course, of all the worst. He's the best, of course, of all the worst. So long been done, he done it first. So long been done, he done it first. And he stinks so bad, his bones been choking. And we've been greenish grouse. In the night of the iron sausage, where the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. Torture time now! Torture. We'll be right back. Ouais, c'est... Pardon, en fait, j'ai pas pu couper. On pouvait pas couper le solo de Zappa. Il reste encore 2-3 minutes là où il reprend le morceau de Torture Never Stop. Je vous conseille d'écouter les You Can Do That On Stage en Anymore. Faut vraiment les écouter, c'est des albums absolument extraordinaires. On est en retard, bien évidemment, mais bon, ça fait partie du jeu de Bulle de Rêve. On va un peu couper, je pense, dans l'entretien d'Anna Huguetto, qui nous en voudra pas, et on vous promet de toute façon, on en repassera des bouts, notamment quand le film va sortir, on espère, voilà, en septembre ou octobre prochain, donc on a encore du temps, 2022, mais on en passera un petit bout. Alors, je vais vous faire partager une découverte, et je suis très content parce que ça fait du bien des fois d'avoir des découvertes comme ça un petit peu par hasard, et j'ai découvert non pas par la musique, mais à la base par... je ne vais pas tout expliquer parce que voilà, mais j'ai réussi à découvrir ça par un ami qui connaît, etc., puis qui m'envoie des fois des vidéos d'animation, enfin des films d'animation pour mon festival, il y a pas qui dans un autre festival, donc je ne peux pas tout raconter, enfin voilà, c'est des trucs un peu de pirate, mais qu'on fait ça, qui m'envoie et qui m'a dit: ah, ça va t'intéresser, et musicalement tu vas voir, tu vas bien aimer. Alors, je fais, ah d'accord et tout, on va pas écouter ça, mais le film donc que Wishbone Zoé a créé, qui s'appelle Here I Am, sera en compétition au Piaf. On vous parlera du Piaf en janvier, puisque cette année l'édition aura lieu donc fin janvier. On vous parlera de ça, et j'ai découvert une artiste, j'ai découvert quelqu'un d'assez passionnant. C'est très bien d'avoir mis après Zappa, parce que si vous allez voir, elle parle dans tous les sens, elle cite comme pas mal d'influences. C'est bien avant Anna Huguetto, parce que on sent le côté artisanal, on sent le côté plaisir d'avoir des trucs à droite à gauche, enfin voilà, des choses comme ça. Ça a été un vrai coup de cœur. I don't know if you listen to that in United States, Wishbone Zoé, qui s'appelle Sarah, whose name Sarah. But it was a pleasure of having. Okay, I will take my French accent. It's only for you, because you said that maybe you will listen. So it was like it's a real pleasure to put some music from you on Radio Libertaire, because I really loved it, and thank you for sharing that with us. Donc voilà, donc c'est Wishbone Zoé et j'ai pas pu, en plus c'est une de mes chansons préférées, on va écouter une reprise de Ashes to Ashes de David Bowie. Vous allez voir, très particulier, j'espère qu'il n'y a pas trop de fans, vous savez, ces fans qui veulent absolument pas qu'on touche aux choses. Vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est une de mes chansons préférées de Bowie, puis là je trouve qu'elle le fait d'une manière extraordinaire. Et on reparlera de Wishbone Zoé dans l'émission, j'espère, de janvier ou février, où je vous passerai sûrement un petit morceau de Here I Am. C'est un album complètement fou et que j'aime énormément, donc voilà. Nicolas, on écoute Ashes to Ashes. Do you remember, God, it's been such an early song? I heard a rumor from ground control. Oh no. Voilà, c'était Wishbone Zoé, j'espère. Voilà, vous notez Wishbone, Wish comme un souhait avec bone, os, un souhait d'os Zoé. Donc Wish, W-I-S-C-S-H-B-O-N-E, Wishbone Zoé, vous pouvez écouter ça à un Bandcamp. Et voilà, ça fait plaisir de, vous savez, ces petites perles qu'on trouve, enfin voilà, et de les partager ensuite, c'est un plaisir, parce que dans un autre coin, on se dit, ben, je sais pas, ouais, c'est des choses, et puis c'est assez, à la fois joyeux, un peu barré, et c'est donc, un peu tout ce que j'aime, et voilà, ce genre de choses. Donc on vous parlera de Wishbone Zoé. Je vais te laisser, Antoine, juste, t'es pas prévenu, donc c'est vraiment juste dire une déclaration d'amour pour le prochain prochain invité. On va juste écouter un tout petit bout de l'interview d'Alain Huguetto, et je sais que tu n'es pas le seul, et une grande partie de l'équipe est très très fan de son long métrage. Il a fait aussi des courts-métrages. Je te laisse juste en parler un tout petit peu. Moi, c'est un réalisateur que j'ai rencontré à mon premier Annecy. Voilà, ça devait être une des premières séances de la semaine. Donc, c'est, évidemment, c'est un peu lié à ces émotions-là aussi. Mais c'est. Voilà, Jasmine, c'est un film qui. Donc, son premier long métrage qui. C'est un des rares films d'animation que je pense je regarde 3-4 fois par an. des longs-métrages, il n'y en a vraiment pas beaucoup que je re-regarde comme ça. Et à chaque fois, ça m'émeut terriblement. Il fait quelque chose qui est pour moi assez rare en animation en plus, qui est de parler d'amour avec beaucoup de simplicité comme ça, qui est quelque chose qu'on retrouve presque plus en live, notamment dans le cinéma français. Et là je trouve que voilà, faire ça, mais avec la pudeur de l'animation, avec en même temps voilà, il se met en scène avec ses marionnettes. C'est quelque chose qu'on va retrouver en plus dans son prochain film, et qui est un marqueur assez fort de son cinéma, en fait, d'intervenir lui-même comme réalisateur auprès de ses marionnettes. Et quand je dis ça, ça peut paraître être quelque chose de un peu banal en animation, mais il y a quelque chose dans les représentations de l'humain, dans le contact et la tendresse qu'il a pour ses personnages, qui est très très fort et qui est hyper touchant à chaque fois. Donc vous avez compris, si vous n'avez pas de cadeau de Noël encore, déjà on vous conseille Où sous le ciel d'Alice, qui est sorti en DVD, hein, Chloé Maslow était avec nous, Le Code J.M. Amoura, qui est sorti, Francis Gavel me l'a officiellement dit, voilà, il est sorti, et Jasmine en DVD, où vous trouvez aussi les trois courts-métrages d'Alain Huguetto, et c'est un film, je pense qu'Antoine, j'espère, vous en avez dit plein de choses, mais c'est un film bouleversant, c'est un homme qui renvoie une lettre, qui se demande ce que son être aimé, qu'il a aimé, 20-30 ans, je sais plus, 30-40 ans avant, est devenu. Ils sont partis ensemble en Iran, elle est iranienne, ils sont partis, et puis il y a eu la révolution. Jeune couple, il décide de la quitter, pas méchamment, juste comme ça, comme des fois les choses se passent dans la vie. Puis évidemment, 40 ans, il retrouve des lettres et puis il se dit qu'est-ce qui se passe. C'est un film magnifique, d'une légèreté, tout en parlant de cette petite histoire, encore une fois, dans cette grande histoire, qui est absolument magnifique. On va juste écouter un tout petit bout, mais promis, on vous repassera. Il est en train de préparer, donc, de finir son dernier film, qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens, qui parle de la difficulté, évidemment, qu'ont eu les migrants italiens à un moment donné de venir, de s'enfuir, notamment de Mussolini, du joug de Mussolini, pour venir en France, et évidemment, comment ils étaient reçus en France et en Suisse aussi. Hein, là, ça parle de la France, mais la Suisse aussi était patente, avec notamment des panneaux, en effet, marqués interdits aux chiens et aux Italiens. Comment on pouvait recevoir les gens. Donc c'est intéressant. Ça, vous allez voir, c'est dans un style complètement différent de Joseph, qui est sorti aussi et qui parle là des camps espagnols, qui fuyaient le franquisme. Donc de l'autre côté, ça va être un film. Il y a un peu plus d'humour, en tout cas, il y a une touche d'humour aussi chez Alain Huguetto. Donc on va écouter une petite dizaine de minutes de l'interview seulement. Promis, on vous la fera écouter un peu plus longuement lors d'une autre émission. Le film, en effet, sortira sûrement qu'à la fin de l'année prochaine. Donc on écoute Nicolas Alain Huguetto, qui doit être la piste 11, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça marche. Bonjour, ça va bien? Bah oui, écoute. Ouais. En ces moments donnés un peu compliqués. Oui, ce moment est compliqué, mais surtout non, je suis porté par le film, moi, surtout. Ouais. C'en est où? Ben, là, on est en work in progress, on a encore, fin mars, en fait. Donc, sur la compo, la musique, le montage, encore plein d'opérations à faire. Mais on voit quand même le bout. Allez, mars, parce que c'est quand même quelque chose qui remonte à un bout. Enfin, cette histoire, cette envie, c'est ça? 9 ans, oui. Donc, pas j'assume. Comment on vit ça? Ce moment où on se dit, c'est que ça y est, ce projet qu'on a porté pendant 9 ans, il n'y a plus quasiment que 3 ou 4 mois et qu'ensuite on va le lancer. On fait gaffe de ne pas avoir trop mal au dos. C'est moi aussi, petit coup de travers. Et là, non, ça fait 6 mois déjà. Le tournage s'est fini en juillet. Et donc là, on n'a fait que de la compo, si c'est du truc sur ordinateur, donc ça va, ça m'a décontracté. En plus, je suis parti sur notre projet, donc ça va, il n'y a pas de. Ça, c'est bon. Je vais pas trop souffrir du dos, je pense. J'espère. Comment, pour comprendre, comment on passe? Parce que il y a quand même un mystère pour nous à Nahuguetto, par rapport à l'année. Comment on passe de 3 courts-métrages qui ont plutôt bien marché, à Cannes, César, dans les années 80, jusqu'à Jasmine, qui a remis ton nom sur le devant de la scène de l'animation, et quand on regarde, alors il y a quoi, il y a donc caméraman pour la télévision, documentariste, c'est ça, parce qu'on passe quand même, non, parce que j'ai revu les 3 courts-métrages, c'est très poétique, c'est très vraiment ce cinéma d'animation poétique, et puis on arrive à Jasmine qui est plus sur une histoire personnelle. Ben après, la continuité, c'était de creuser dans un univers, dans mon univers, mais qui correspond au père, à mon père, à mon grand-père. Et donc, je me dis, comment on peut travailler ça? Donc, après, je me suis mis à, j'ai fait une espèce d'arbre généalogique assez vite fait. Ensuite, j'ai mis les guerres au milieu, donc ça donnait déjà les morts, tu savais d'où ils arrivaient, quoi. Ouais. Et puis, petit à petit, je me dis, ça va continuer à monter comme ça, quoi. Mais donc, il y avait l'idée, comme Jasmine, de partir sur quelque chose de... C'est pour ça que ma question, c'était vraiment... Il y a la poésie dans les années 80. Ouais. Et donc, pourquoi aujourd'hui, c'est plutôt des histoires qui sont personnelles, Jasmine, et là, sur l'histoire de ton père et de la famille? Parce que quand tu lances un film d'animation, tu sais que tu signes pour au moins minimum 4 ans, quoi. Donc là, Jasmine, ça se durait 7 ans, celui-là 8 ans. Il faut bien choisir son sujet, hein. Si tu arrives au milieu en disant « Bon, j'en peux plus, ce truc. Je peux plus. » Et donc, de prendre des histoires personnelles, on se dit au moins, ça va venir. Je sais à quoi m'accrocher, quoi. Donc, il y a des choses qui sont, comment on peut dire ça, là, je travaille un peu l'immigration, à la fois saisonnière et puis l'immigration définitive. Et après, je me dis, je suis accompagné par une phrase, en fait, qui comme dans Jasmine, en fait, en massant la terre, j'ai massé mon cœur. Ben, dans ce film-là, c'est plutôt, on n'est pas d'un pays, on est le sol en France. Et je me disais, décline ça, quoi. Alors, du coup, quand il y avait des nuages qui faisaient un peu, des fois, c'est difficile, ça durait. Et moi, c'est un peu dur, tu réussis des trucs, ça va, mais quand tu ne réussis pas, tu vois, il se recommençait et tout. Et donc, ça, c'est mon moment creux, j'avais cette phrase. Et on revient sur toi, c'est ça. Qui me revenait, me disait, reviens, à l'intérêt, le centre, il est là, après. Voilà, on s'arrange, quoi. On s'arrange, on s'adapte. Mais bon, tous les animaux font ça, ils s'adaptent à tout. Et moi, c'est pareil, j'avais une envie d'un film. J'ai tout un parcours derrière moi qui je ne suis pas surpris par les images qui bougent, par le montage, par les sons, comment est-ce que tu peux amener au niveau du montage, au niveau des sons, la musique, tout ça. Tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Et après, faire les images en stop motion, c'est lourd, c'est hyper lourd, c'est un gros travail. En plus, j'ai une préparation énorme à faire, tu vois, fabriquer des marionnettes, voir est-ce que ça correspond, est-ce qu'on va les reconnaître, tu vois, comme le thème, c'est des millions de migrants, il y en a un qu'il faut reconnaître, donc il faut qu'il y ait un peu une petite différence, mais à la fois comme les autres. Voilà, après, on est dans une dynamique de travail, après, c'est plus. On réfléchit plus, quoi. On est dedans, le producteur. Ben, on réfléchit sur le projet. Est-ce que ça amène au projet? Est-ce que tu lui donnes de l'épaisseur? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça le freine pas? Est-ce qu'on est dans les rythmes? Tu vois, de trouver tout ça, quoi. Il y a 2 co-scénaristes, comme il y avait déjà sur Jasmine. Oui. C'est important de travailler avec des gens qui sont peut-être justement pas dans l'histoire forcément, je sais pas, qui t'aide à te... Oui, oui, parce que c'est à la fois déjà important et ils font miroir, en fait. C'est-à-dire, j'aimerais bien raconter ça comme ça, puis d'un coup, je me dis, mais je comprends rien dans ton livre, répète. Donc, du coup, ça t'oblige à approfondir, à creuser, dire, bon, c'est une idée, mais est-ce que elle est bien mise en place, est-ce que j'aurais pas moyen de le trouver autrement, tu vois, ça, c'est un travail du scénario documentaire, ça, c'est une chose. Et après, le fait qu'en arrivant sur le documentaire comme Jasmine, je me dis, là, celui-là, il marche plus, quoi. Parce que tu peux pas improviser, t'es coincé dans un storyboard, tu dis, oh putain, comment je me sors de ça? C'est tuant, ce machin. Tu fais plan, et hop, il fabrique, c'est un tue-l'amour. C'est ce qui a changé entre Interdit aux chiens et Jasmine, où t'avais plus de liberté, enfin. Ben, on avait de la liberté, mais si tu veux cette liberté, tu es obligé de la calculer, parce qu'il y a tellement de monde autour que tu dis, bon, là, faut aller vite, tu vois, à chaque fois, je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Le storyboard, on avait travaillé un peu mou, en disant, bon, il y a des parties, j'aimerais bien improviser, là, tu vois, ça, c'est bien d'écrire, mais à la fin, je pense qu'il faut laisser faire les animateurs, trouver un système qui reste en vie, quoi. Ouais. Le storyboard reste en vie. Ça, c'était, voilà, puis ça s'est fait, et je suis très content, en fait. J'anime toutes les images. C'est drôle parce qu'il y avait une réalisatrice qui est passée donc de faire ses films un peu toute seule en Suède et là elle travaille pour Netflix pour quelque chose et elle disait, enfin voilà, je travaillais avec deux personnes et là je me trouve avec 150 personnes quasiment avec la plus grosse boîte en Angleterre qui fait. Et elle disait, c'est toujours la même chose en fait, on peut pas tout avoir. Donc elle disait, c'est évident que j'ai perdu une liberté que j'avais. Par contre, c'est quand même bien agréable de se dire que je vais avoir 6 marionnettes ou que je vais avoir des animateurs et animatrices qui vont... Bien sûr. Prendre des choses, ouais. Moi, ce que j'avais très peur, c'est quand j'avais les personnages sont travaillés un par un, quoi. Tu vois, Luigi, la grand-mère, enfin, tout. Et après, quand je suis arrivé sur les plateaux, je me dis, mais on va mettre un animateur pour Luigi, un animateur pour. Ah non, non, il me dit, non, ils vont tous travailler comme ça. Wow. Alors là, tu vois, regardez, il y a les animateurs qui sont très dans l'emphase, ils sont toujours, ils bougent beaucoup. Alors, donc, ça se voit dans la manipulation, quoi. Puis d'autres, des femmes, ils sont plus tranquilles, plus. Toi, t'es très douce et tout. Et ça va donner ça, les premières angoisses, elles viennent de là, parce que tu mets en place une marionnette qui va être ta grand-mère, et d'un coup, tu dis, ça marche pas, c'est pas beau, ça va pas. Il y a eu trois plans, on a essayé les trois animateurs, le premier, il est trop dans... enfin, ça allait pas, je me disais, il y a un truc, ça va pas, ça correspond pas, quoi. La deuxième, déjà, ça allait mieux, puis d'un coup, je me dis, ah, mais tiens, donne-lui un peu de pêche et tout. Et donc, elle me l'a fait tourner, et pouf, et tu veux savoir quoi. Et lui, c'est beau. Ah, là, c'était la fête, là. C'est bon. Donc, il y a eu un casting quasiment fait, mais en direct. Oui, oui. Enfin, comme j'ai un casting, c'est-à-dire des gens de se dire, est-ce que la personnalité, ça va aller? Oui, est-ce que ça va correspondre? Et après, ben là, tu cherches, quoi. C'est vraiment, au début, je me dis, voilà, c'est une dame, elle n'arrête pas, elle est toujours en train de faire des trucs, elle va faire la polenta, elle va finir, elle fait gnocchi, elle fait le feu et tout, elle n'arrête pas, quoi. Et donc, tu peux l'imaginer. Après, je vais dire, là, j'ai des yeux comme ça, une lèvre, des lèvres très, presque couleur chair. Mais quand elle va se marier, c'est un rouge qui pète, que je vois. Et donc, après, des mouvements, tu dis, bon, ouais, elle bosse toujours. Tu leur as amené plein de photos, plein d'archives personnelles ou pas forcément? T'étais plus l'évocation, comme tu dis là. Ah, c'était des discussions face to face. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'après, il ne faut pas tout, comment dire. Il y a des fois, par exemple, une gamine, elle fait des trucs, je savais, dans les archives, je savais qu'elle allait mendier ou des trucs comme ça, mais là, je l'arrêtais là, et je lui dis, voilà, elle va faire des gestes, donc j'ai dit à l'animateur, voilà, tu vois, elle va faire, là, elle est là, elle va faire des gestes qui sont pas loin du dressage de cette petite bestiole. Et donc, il le fait, tout ça, je dis, je regarde, ouais, ben voilà, tu vois, c'est bien, ça donne une bonne idée, ça. Et je raconte après la vie de cette gamine, il me dit, oh, tu aurais dû me le dire avant. Je dis, mais non, mais je te remercie. Donc c'est ça, c'est pas jouer, mais en tout cas essayer de pas trop les diriger de manière à ce que... C'est ça, oui. Ouais, chacun puisse amener un peu d'épaisseur à son travail, quoi, parce que c'est après, si on dit, voilà, là elle fait trois pas, puis elle s'arrête là, bon, quel intérêt. Ouais. Ça, c'est un des plaisirs de travailler en équipe, justement. Ah oui. Plutôt que tout seul, j'étais surpris. Moi, je raconte mon grand-père, je lui raconte, il se rencontre avec la grand-mère, et donc il prend un caillou, il est pour se faire le cake, un caillou, il fait trois ricochets, quoi, sur le lac. Wow, donc, je dis, ouais, il fait ça, alors elle me filme, je fais le truc, elle me le refait, wow, j'étais sur le cul, super beau, je dis, oh, c'est magnifique ce truc. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on retrouve peut-être un autre plaisir quand on est réalisateur, loin d'être animateur, ouais. On retrouve un autre plaisir de, du volume, enfin des marionnettes. Bien sûr, ouais. Oui, c'est un plaisir, c'est incroyable. Quoi. Moi, il y a un chef de chantier qui s'énerve parce que l'autre, il ne comprend pas ce qu'il veut. Et donc, il me l'a libéré. Nom de Dieu, je toque, mais ça. Et donc, j'ai envoyé une animatrice toute jeune, elle devait avoir 22 ans. Quoi. Et je lui raconte ça. Et je lui dis, mais tu vas pouvoir mettre la pêche, parce qu'il faut mettre la pêche. Il est énervé, le mec, il est prêt à tout casser. Hein. Ah bon? Alors elle va dehors, elle se filme, elle fait truc. Après, elle revient, elle me dit, je suis un peu, je sais pas trop. Alors, je dis, attends, tu vas te mettre là, comme ça, tu vois. Et puis d'un coup, il dit, Dieu, pof, il met sa casquette. Alors, elle m'a filmé, hop, elle le refait. Tu vois, mais c'était plus, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu, ouais. C'est un jeu. Mais c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, l'animateur, il va t'amener aussi des choses importantes, quoi. Comme la lumière, comme les décors, les marionnettes, enfin tout. Quoi. Il faut servir de tous les éléments pour donner de l'épaisseur, de l'épaisseur au film, quoi. C'est ça qui est le plus important, en fait. Il y a eu quoi? Il y a eu, je sais pas, tu leur as fait la galerie de personnages avant, ou non, c'est à chaque fois, comme tu dis, là, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ouais, plutôt au fur et à mesure, ouais. Parce qu'au début, si tu veux, je leur montre l'animatique. Donc, il y a une série d'animatiques. Donc, ouais. Quand ils arrivent, ils ont une heure et demie où ils passent, ils regardent que ça. Et puis après, je commence à leur parler. Et l'assistante, elle me dit, bah, lui, il va faire ça, lui, ça. Je dis, voilà, je préférais que ce soit elle. Peut-être que ça va être un peu plus... Ça, donc, on a discuté, quoi. Pardon, pourquoi? Parce que tu as discuté ou parce que tu as vu les films qu'ils ont pu faire non, avant? Non, c'est l'animation. Oui, c'est ça. Réagit, ouais. Ça, c'est intéressant, comment elle fait. Et je me dis, ça va bien correspondre à Chesira ou à Luigi ou... Tu vois, puis il y a des choses qu'on... Chacun amène un peu sa part de créativité, quoi. Et ça, il faut laisser ouvert à ça, quoi. Ce serait idiot de ne pas l'utiliser, quoi. J'ai l'impression... Alors, je ne t'avais pas interrogé pendant que tu faisais Jasmine, j'ai l'impression d'un plaisir qu'il n'y avait peut-être pas... Il y avait autre chose dans Jasmine, mais il n'y avait peut-être pas cette jubilation que j'ai l'impression de ressentir là. Ouais. Quand il y avait Jasmine, où il y avait tout le travail... Peut-être aussi la dureté du travail, et ce n'est pas évident. Jasmine, c'est une performance, quand même. C'est, ouais. 3 ans, tout seul, oh là là, c'est vrai, tu sors de là, chaque fois que tu sors du studio, tu dis, putain, c'est fait beaucoup. Ou alors c'est pas bon, ou techniquement ouais. C'est pas bon, mais c'était le principe, quoi. 3 ans, qu'est-ce que je peux faire? Je fais ça, puis j'ai tout fait, après le montage, les incrustations, tout ça, c'est mal, c'est mauvais, enfin, bon, c'est pas très professionnel, je vois comment ils bossent, je me dis, bon, c'est très loin de ça. Sauf que justement, Jasmine a aussi peut-être ce côté que je pense qu'elle a touché, moi le premier, beaucoup, je sais, dans l'équipe et au-delà de l'équipe. Justement, c'est ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a presque quelque chose qu'il fallait sortir. Oui, c'est ça. Ouais, presque dur. Oui, merci Nicolas. On peut me couper, moi, ça va. J'aurais pas osé couper à la Huguetto, mais moi, on peut me couper, donc ça va. Donc, voilà, vous avez passé un petit quart d'heure, un petit peu moins avec Alain Huguetto, promis. Enfin, c'est. Voilà, vous le savez, on vous l'a dit. De toute façon, on vous l'a souvent dit dans cette émission à quel point on aime ce réalisateur et on vous repassera un petit peu plus de cet entretien autour d'Interdit aux chiens et aux Italiens. Et bien évidemment, on essaiera évidemment de faire aussi un entretien une fois que le film sera sorti. Ce sera encore plus passionnant, je pense, pour les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire. On vous dira, voilà, vous pouvez voir le film. On espère avoir Alain Huguetto, peut-être même ici, etc. Et donc voilà, on aura quelque chose d'un petit peu plus. Je vous conseille en tout cas, si vous allez sur le site de Bulle de Rêve, vous avez deux liens. Notamment, vous avez un lien quand même sur un work in progress, donc une espèce de conférence qu'ils avaient fait sur Annecy. Vous avez une vingtaine de minutes par rapport au film où il explique, donc vous avez aussi ça. Nicolas, on va écouter un petit peu du morceau numéro 12, du style 40 secondes. On écoute, on commence et puis voilà, je vous dis ce que c'est après. c'est un peu frustrant là, ça. Pourquoi je voulais vous passer ça au départ, c'est qu'on voulait redescendre tout doucement, un peu en douceur. On voulait passer aussi, Antoine voulait passer avec Shai Cohen, un peu comme un petit clin d'œil à notre auditeur Fabien, à qui on souhaite des bonnes fêtes, qui est notre auditeur, voilà, fidèle. On sait, il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà, Fabien, fais attention. Et puis c'est plutôt bien parce qu'il est venu pour Bulle de Rêve et puis maintenant c'est devenu un vrai amateur de Radio Libertaire. Il écoute les émissions toute la journée, il écoute, donc voilà, et ça, il aime bien le jazz. Donc avec Shai Cohen, on repassera. En tout cas, on lui souhaite de très bonnes fêtes. Et pourquoi je vous ai passé la petite musique d'avant, c'est d'un film qui s'appelle Futon de Mizushiri Yoriko. Donc Yoriko Mizushiri, voilà, avec prénom et nom. Et en fait, son film, pour moi, est l'un des plus beaux films. Alors, pas Futon, c'était son ancien, mais un film qui s'appelle Corps Anxieux et qui a commencé à être un peu en festival. On aura la chance de le présenter au Piaf donc en janvier prochain. On vous en reparlera. Mais pour moi, c'est l'un des plus beaux films qu'on ait vu cette année. Alors voilà, on fait pas de top, hein, Bulle de Rêve, on va pas faire vous top, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un film que je trouve bouleversant, parce que c'est quelqu'un qui, comme elle le dit dans une interview, elle veut pas... Enfin voilà, quand on lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, qu'est-ce qu'elle fait, oh, bon, moi, vous savez, je fais juste des petites choses, et puis enfin, je fais mes films, j'essaie de changer les petites choses à chaque fois pour tenter de faire quelque chose d'un peu autre, mais voilà, et je ne demande pas à faire des choses exceptionnelles. Je parlais tout à l'heure de gens qui veulent absolument changer le monde à chaque fois qu'ils font un film. Elle, au moins, à mon avis, le change, justement, mais sans forcément être, voilà, faire du prosélytisme, mais elle change parce qu'il y a aussi un rapport au corps qui est à la fois dur, et à la fois tendre par rapport à ce corps. Quand on lui demande pourquoi, il n'y a que des morceaux de corps, elle dit, je ne sais pas faire un corps en entier, donc je prends des morceaux de corps et je les dessine, je ne suis pas suffisamment fort pour faire un corps en entier. Et ben, comme quoi, des fois, c'est limite, quand on a des limites comme ça, c'est plutôt bien ce qu'elle fait, et c'est tout, je vous dis, c'est tout en douceur. Alors c'est quasiment la vraie définition, vous savez, de kawaii qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Kawaii, c'est à la fois mignon, mais il y a toujours un petit côté un peu angoissant derrière le kawaii. Le vrai kawaii japonais, c'est ça. Aujourd'hui, on fait juste, même au Japon, c'est plutôt le truc mignon, mais il y a vraiment ça derrière, et je trouve que Mizushiri Yoriko, et c'est vraiment complètement ça, et ce film, et enfin voilà, à quelques moments donnés d'une dureté par rapport au corps qui d'un seul coup vous perturbe, et à la fois d'une douceur si vous avez l'occasion. Alors Futon est malheureusement difficile à trouver, il est sur un DVD japonais mais qui doit être pas facile à trouver, un DVD français pardon, mais sur les indépendants japonais, mais qui doit pas être facile à trouver. Mais si vous avez l'occasion de voir Mizushiri, elle a quelques films sur son YouTube, ses premiers films qu'elle a, donc Mizushiri, ça vaut vraiment la peine, voyez ces films là Nicolas et Gondon, parce que depuis longtemps on faisait très attention d'être à l'heure et de passer le bon nombre de morceaux que j'avais prévus, et là on en a zappé. Alors Futon qu'on n'a pas écouté, et Avishai Cohen, on a coupé un peu Zappa, donc il a retrouvé le Bulle de Rêve d'il y a 5 ou 6 ans, où en fait à chaque fois je lui disais non, on coupe le 18, enfin on coupe le 10, enfin ce genre de choses. On va s'arrêter là, il n'y a pas d'émission après nous, mais on va nous s'arrêter quand même, et je voulais vous souhaiter évidemment des bonnes fêtes, et puis une bonne fin d'année. On se retrouve dans pas trop longtemps, Antoine, le 8 janvier. Oui, tout à fait. Donc voilà, on n'a pas encore fait l'émission, mais on reviendra le 8 janvier, ça c'est... Voilà. On voulait finir juste notre générique de fin. Si vous avez un film à regarder, et je trouvais ça très bien, il y a un très beau film qui s'appelle My Favorite War, qui va sortir l'année prochaine, qui est un film que je trouve très touchant, d'une lettonienne. À chaque fois, je me plante entre trois pays, mais voilà, et qui nous raconte sa vie sous le communisme et son embrigadement, et le fait que quand on est jeune, bah, quand on se fait embrigader, bah, on est bien, on peut être content d'être embrigadé entre guillemets, parce qu'on comprend pas forcément l'aboutissement, enfin voilà, les tenants, les aboutissants, pardon, de ça, et donc elle raconte, et le film est très touchant, pas forcément, super beau. Je sais que des fois le graphisme est important en animation, mais là, voilà, il y a quelque chose, et ça finit par ce moment que je ne connaissais pas, qui s'appelle The Baltic Way, et je me rappelais plus. En 1989, il y a 2 millions de gens entre plusieurs pays d'ex-Union soviétique comme ça, qui sont tenus la main. 2 millions de gens, et qu'on fait une espèce de gigantesque chaîne à travers tous les pays baltiques pour demander leur indépendance par rapport à l'Union soviétique. C'est quelque chose dont... Alors voilà, je me souvenais pas du tout, et qui est bouleversant, parce que tout à l'heure tu parlais de changer de monde, et on parlait, et d'un seul coup on se rend compte que d'un seul coup c'est 2 millions de gens qui se tiennent la main, qui sont certes dans la région, mais qui sont pas forcément des mêmes langages, etc. Et on voit quelques images de documentaires, et c'est bouleversant de montrer qu'évidemment on peut changer les choses, même si c'est compliqué, c'est très très touchant. Pourquoi je vous raconte tout ça? Donc on vous en reparlera, le film sort l'année prochaine. C'est qu'en fait, j'ai eu dans une interview, et donc elle était au Carrefour de l'Animation, on a fait une petite interview en visio, elle était dans pays, et puis nous voilà ici, et donnant une interview, qui regardait un film, et tout le temps, enfin régulièrement, comme toi tu regardes Jasmine Antoine, dont on va entendre un tout petit bout, et quand je lui ai parlé, elle me disait, à chacun de mes anniversaires, je regarde ce film-là, à chacun, c'est mon petit cadeau à moi, c'est me faire plaisir. Donc si vous regardez, il y a plein de films à regarder, mais si vous avez envie de regarder un film pour Noël, qui est un film d'une beauté absolument incroyable, alors c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vraiment d'une vraie poésie, c'est Le Hérisson dans le brouillard de Yuri Norstein. On vous en a souvent parlé, bien évidemment, c'est l'un des classiques du cinéma d'animation, Le Hérisson dans le brouillard, Norstein, vous le trouvez même en sous-titre français, donc N-O-R-S-T-E-I-N, Norstein, et il y a une voix absolument magnifique en russe, comme ça, qui est pendant tout le long du film, avec, et on est... voilà, dans un petit hérisson qui est dans un brouillard, comme le nom l'indique, qui va perdre son pot de confiture, je ne vous raconterai pas plus. Alors, sauf pour les gens qui parlent russe, on va entendre la fin du film, 1 minute 30, juste la fin du film, désolé, ça ne vous spoile pas trop normalement, mais en tout cas, voilà, regardez Le Hérisson dans le brouillard d'Orien Norstein, c'est aussi, encore une fois, on parlait Changer le monde, je pense que c'est des films qui nous font regarder en tout cas le monde autrement, et là avec une grâce et une poésie absolument incroyables. Merci Antoine. Merci Alexis. Merci Nicolas. On était tous les trois ici. Et donc on écoute la fin de Hérisson dans le brouillard. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve très vite. Bye bye. Спасибо. Не за что, сказал кто-то. Ёжик, где ж ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... Можжевеловых, чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади.